L'actualité à Nancy et ailleurs. Pierre, bonjour. Bonjour Yves. Il a été question beaucoup dans l'actualité de harcèlement scolaire ces derniers temps et même de cyberharcèlement auquel sont confrontés les plus jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu as écrit une chanson en fin d'année 2020 qu'on peut retrouver sur la plateforme YouTube et qui s'appelle « La musique face au harcèlement scolaire ». Elle a une histoire, cette chanson. Alors effectivement, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, donc au collège majoritairement. Et sur mes deux premières années de lycée, avec évidemment, je dis ça comme si c'était une évidence, mais moins gravement, on va dire, au lycée, du fait que les gens avaient un peu grandi, mais c'était tout de même du harcèlement, peut-être une autre forme, mais du harcèlement. Après toutes ces années, la musique t'a beaucoup aidé ? Alors moi, la musique, ça m'a sauvé, déjà quand j'étais au collège, parce que je faisais de la musique à l'harmonie de Dombasle et puis au conservatoire, donc c'était un échappatoire, et puis c'était aussi l'opportunité d'être entouré d'autres personnes, mais dans un autre contexte, on va dire social, quand on est dans une structure comme un conservatoire ou comme une harmonie, donc ça nous sort, enfin moi, ça m'a sorti du collège et du côté infantilisant, du collège pour être un peu plus avec des adultes, et puis effectivement, exprimer la créativité qui était bridée quand j'étais au collège, quoi. On va écouter après, hein, bien sûr, la chanson, ce titre à la musique face au harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire que tu as vécu, donc, au collège, au lycée. Avec les années, est-ce qu'il y a plus de sensibilisation aujourd'hui, à ton avis ? Alors, je pense qu'il y a plus de sensibilisation. On en parle un peu plus. L'existence est... c'est devenu un fait politique et encore plus récemment avec le meurtre d'Alisha. Donc oui, on en parle un peu plus. Je dirais que ce qui a ouvert la voie à parler du harcèlement scolaire, c'est qu'on a commencé à parler d'abord du harcèlement professionnel, avec évidemment derrière tout ce qui est égalité homme-femme, etc. Mmh. On a parlé de ça d'abord au travail et on s'est rendu compte que c'était un fait aussi qui commençait déjà dès l'enfance. Mais je dirais que la clé d'entrée, ça a été le harcèlement pro. Et maintenant, on parle du harcèlement scolaire. Un élève sur 10 serait confronté au harcèlement scolaire. À l'époque, est-ce que tu avais des oreilles à ton écoute ? Je pense pas que mes parents avaient conscience du niveau d'importance de ce harcèlement-là. Moi, j'avais des difficultés à en parler. Donc, je dirais que dans le cercle familial, je dirais pas que j'ai pas eu d'écoute, mais j'ai pas eu l'écoute que j'aurais pu avoir si je m'étais manifesté un peu plus. Après, oui, j'avais des profs qui prenaient ma défense. J'étais bon élève, donc en général, quand on est bon élève, on a souvent encore enseignant derrière. Mmh. J'ai eu quelques profs, mais grosso modo, je pense pas que j'ai eu l'écoute aussi active que j'aurais aimé l'avoir. Et c'est pas forcément de la faute de ces personnes-là. Cette chanson, tu l'as écrite en fin d'année 2020. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire ? Alors à la base, ça a commencé en début d'année 2020. J'ai écrit une chanson qui s'intitule « La musique face aux addictions ». Pour parler de l'alcoolisme, qui est un sujet qui m'a touché. Et puis, j'ai voulu continuer, en fait, sur cette voie de mettre des mots sur des choses qui ont un impact sur ma vie, mais aussi sur la vie d'autres personnes, puisque que ce soit le harcèlement scolaire ou les addictions, je suis pas tout seul, j'ai pas le monopole de ces problématiques-là, malheureusement. Et du coup, c'est venu vraiment instinctivement vers octobre, où après plusieurs mois, après la musique face aux addictions, j'ai ressenti le besoin de parler d'un autre sujet. Alors, je pourrais te raconter des histoires du style j'étais en train de méditer, d'un coup, j'ai des souvenirs qui sont remontés, des trucs de ouf, et je me suis dit, ce serait beau à raconter, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Il n'y a rien de folklorique derrière, c'est vraiment... c'est venu. Voilà, je me suis dit, j'ai envie de parler de ça maintenant. En pensant aussi à l'aide que ça pourrait apporter aux personnes qui écouteraient cette chanson ? Je dirais qu'au début, pas forcément. Quand je l'ai créée, au début, c'était vraiment déjà pour faire de la musique, pour parler d'un sujet qui me touche. Je m'étais pas forcément dit, après, je vais la partager, et nanana, etc. C'était vraiment plus pour moi et pour faire ce projet-là. Mmh. Et c'est vraiment que récemment, quand j'ai vu ce qui se passe avec ce meurtre-là, de cette jeune, et je me suis dit, il faudrait peut-être que je la partage un peu plus parce que le message est beau et que d'ailleurs ce morceau-là a été étudié, en cours, par, une enseignante qui connaît l'harmoniciste, le joueur d'harmonica qui est dans le projet, et ça a été étudié en cours, j'ai envoyé mon texte et tout. Donc ça a été un déclencheur où je me suis dit, ça a alerté une personne d'un corps enseignant, ils l'ont étudié, il y a un fait divers là, il y a quelque chose de tragique, j'ai envie que ce soit un peu plus partagé. Mais à la base, c'était pas du tout le but, quoi. L'harmoniciste, c'est Victor, c'est ça ? C'est Victor, oui. Voilà, parce que tu n'es pas tout seul sur ce titre, hein. Il y a d'autres musiciens, on peut les citer peut-être ? Alors oui, donc Victor Durin, l'harmonica, qui est l'harmoniciste du groupe Phoenix 66, cover de Johnny Hallyday. J'en profite pour souhaiter en radio, devant les ondes, un bon rétablissement, si tu me le permets, à Anthony Da Silva, le chanteur de Phoenix 66, qui a eu un accident de voiture grave en février, qui est en train de se rétablir, donc j'en profite pour lui souhaiter un bon rétablissement. Lisa, de Grand Large, donc mon groupe de musique celtique, au violon. Flavien à la batterie, qui n'a pas de groupe actuellement, mais qui est un très bon batteur et qui a une chaîne Instagram, voilà. Et la musique a été montée par Léandre Etienne, qui est un compositeur MAO, qui a une chaîne qui s'appelle Clown, qui a fait le buzz récemment sur YouTube. Il fait de l'électro-chill. Donc voilà, c'est tout un ensemble de personnes d'influences diverses qui ont participé à ce morceau. Voilà, on va écouter ce morceau peut-être juste avant et expliquer aussi, parce que tu as fait un beau mélange de styles aussi dans ce titre. On retrouve un peu de rap, un peu des musiques celtiques. Comment tu l'as construit ? À la base, c'était trois thèmes séparés. Il y avait le début en blues, voilà, le début sur une rythmique blues avec l'harmonica derrière. Il y a une valse au milieu, donc en trois temps. Une partie rap un peu rythmée et la fin, c'est une jig celtique. À la base, donc non, ça fait quatre. C'était quatre thèmes séparés que je travaillais dans mon coin, sans forcément d'homogénéité. Et puis à un moment, je me suis dit, je fais les mêmes accords, il y a quelque chose à faire. Il y a une idée de progression derrière aussi dans le discours, puisque la partie de blues, c'est une partie un peu où je dis en anglais que j'ai des blessures dans mon cœur, mais je le fais sur un côté blues, un peu nostalgie, un peu je me replonge. Mm-hmm. La valse, c'est vraiment le petit bonhomme qui sort et qui exprime sa souffrance. La partie rap rythmée, c'est la partie positive, c'est la partie merde, maintenant il faut aller de l'avant. Et la gigue, c'est la danse, l'appel à la danse, c'est quand tout va mieux. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un côté progressif. On n'est pas sur un morceau refrain, couplet, on est plus sur quelque chose de l'ordre d'une symphonie, avec une construction, avec des thèmes, avec une ambiance derrière. Voilà. La musique face au harcèlement scolaire, eh bien écoute, on écoute Pierre. Je te remercie Yves. Merci Pierre. I've got some scars that hurts my heart. So many scars that burn my heart. I've got some scars. Ça fait mal. Comment les retirer? Faut-il chanter? On va chanter. C'est l'histoire d'un bonhomme peuplé aux trois pommes, dans une cour de récré d'un collège de quartier. Là où se confrontent enfance et puberté, là où se confondent inégalité et altérité. Un jeu entre harceleurs et harcelés, car elles sont cruciales ces premières années. Et le petit bonhomme, lui, l'a bien morflé, rejeté de tous, il était malmené. Avec ses lunettes rondes et son début d'acné, décalé du monde tel un réfugié. Pour l'amour et l'amitié, vous abonnés absents, mais on savait le trouver pour les pains dans les dents. S'il était là, le petit bonhomme chanterait. Je m'en allais comme tous les matins de la semaine prendre le même chemin. Mon sac à dos lourd à porter, comme tous ces mots qui me sont infligés. On nous répète que la violence n'est pas une solution. Tendre l'autre joue à ce chrétien bien complètement con. C'est bon enfant, il s'amuse, c'est pour rire. Moi je pense à Columbine aux États-Unis. Moi je pense aux extrêmes et à la souffrance. Moi je me replonge dans ma propre enfance. Et c'est pour ça que je pense à tous les petits bonhommes, à ceux dont les traumas les empêchent de devenir des hommes. Vous aussi vous avez le droit de lever le poing, visez les étoiles, reprenez espoir et écoutez-moi bien. Il n'y a pas si longtemps que je baissais les bras entre mes idées noires et envie de trépas. Cercle vicieux, quand on y croit, plus qu'on touche le fond, on va savoir pourquoi ça vous semble familier. Je l'ai déjà rappé, c'est le même genre d'idée, c'est pour quand t'es paumé. Je t'invite à chanter, je t'invite à crier. Arrête de t'excuser, envoie chez le passé. T'étais victimisé, mais regarde, t'as changé. Les enfants furent des plaies, les adultes détachés. C'est vrai, t'as bien morflé, on peut pas le nier. Tu sais, moi je la fermais, j'avais peur de parler. Je pouvais rien créer, j'étais tétanisé. Aujourd'hui je fais de la zig, j'anime des émissions. Je me mets en avant et je vis mes passions. J'ai plus peur des regards, je fuis plus les conflits, du moins de moins en moins, et je plais même aux filles. Enfin ça dépend, mais mon but au final, c'est de dire t'accrocher et de viser les étoiles. Adulte ou enfant, c'est le même message, pas de fatalité, tu écris ton histoire. Tu étais une victime, demain tu seras roi. Le seul crime là-dedans, c'est de baisser les bras. On a tous des talents, tous des habilités. Fais ce que tu aimes, tu vas tout déchirer. Et surtout, ne laisse plus jamais aucune personne te rabaisser. Car le harcèlement, c'est pas juste à l'école, c'est pas juste les enfants, y'a pas d'âge, pas d'école. Alors tu vas faire quoi? Tu vas rester chez toi, dire que t'as pas de bol? Franchement, tu mérites mieux que ça. Hey, réveille-toi, accepte tes cicatrices et choisis la vie. La vie, cette danse qui parfois nous fait trébucher. Relève-toi avec nous et dansons cette gigue enflammée. Ensemble.